chaud. À toi qui es parti trop tôt. À toi qui es monté si haut. Et c'est une grande perte que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une brave mère qui est décédée. C'est un jour qui commence comme les autres, sans savoir que ce jour allait changer la vie de tant d'autres. C'était un 7 janvier 2002, juste après avoir souhaité les meilleurs vœux. Mon père vient me chercher en classe de CM2, bien sûr sans sourire mais avec les larmes aux yeux. Il m'annonce ce truc foireux, il me dit maman est décédée. Et à ce moment-là, la vie de me suicider. Ce traumatisme me suit depuis plusieurs années. J'ai l'impression qu'il manque un poulet dans l'abri familial. J'ai l'ombre d'un orphelin qui cherche à se sentir moins mal. Tous les jours de plus en plus de pensées pour mon côté maternel. Je pense à toutes ces engueulades où je devais pas écouter. Sans me soucier que tout cela c'était pour m'éduquer. Sans me douter que c'était pour mon bien mais pas pour elle. Quand je pense à tout ça je me dis je suis un criminel. Mais pourquoi on prend conscience de cela après le pire? Je te jure si j'avais compris avant ma vie serait pas un empire. Si j'avais compris que si tu vis c'est pour aimer pas pour haïr. Je me souviendrai toujours que c'est grâce à elle que je suis né. Que c'est elle qui a souffert pour me voir arriver. Maman tu manques, ça tu le sais, de là apporte-moi l'amour que tu dois m'apporter. Tu es ma mère, ça je n'oublierai jamais. Je n'oublierai pas que c'est toi qui m'as porté pendant 9 mois. Que c'est toi qui as tout fait pour me voir marcher droit. Chaque jour je pense à toi, mon cœur devient de l'or. À cause de ce cancer, j'ai perdu mon plus grand trésor. Maman dis-toi une chose, je t'aime très fort. Chaque jour je la vois à l'hôpital, je me disais que l'important c'est d'être aimé, pas de se faire soigner. Que l'important c'est d'aimer et non pas d'haïr. Que l'important c'est de vivre et non pas de mourir. Heureusement qu'il y avait papa pour nous soutenir. Sans papa je crois que j'étais prêt à partir. Arrêtez de vivre, oublie mon avenir. S'il te plaît maman Odaro, parle-moi. 5 années sans toi, c'est dur à vivre tout ça. Juste pour écouter le son de ta voix. Je me suis obligé à penser à toi tous ces 16 mai. Je passe aux bougies sur lesquelles tu ne peux plus souffler. Tu m'as toujours donné l'amour que je n'ai jamais eu. Je cherche dans mon passé pour écouter tous les je t'aime que je n'ai pas entendu. Maman tu manques ça tu le sais, de là-haut porte-moi l'amour que tu dois m'apporter. Tu es ma mère ça je n'oublierai jamais. Je n'oublierai pas que c'est toi qui m'as porté pendant 9 mois. Que c'est toi qui as tout fait pour me voir marcher droit. Chaque jour je pense à toi, mon cœur devient de l'or. À cause de ces cancers j'ai perdu mon plus grand trésor. Maman dis-toi une chose, je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Maman.